me séparer. I'd rather be with you, boo. Yeah. T'es ma musique, ma musique, ma musique. I'd rather be with you, boo. Yeah. T'es ma musique, de toi je veux pas me séparer. Yeah, I'd rather be with you. Ma musique, ma musique. Sans toi ma vie ne vaudrait pas le coup d'être vécue. Je t'aime ma musique, c'est pour toi que mes rimes je les décupe. C'était dur entre nous car je n'avais pas le rythme au début. Maintenant t'inquiète, le beat c'est comme une cage où je mets des buts. Sache que t'es la seule à faire en sorte de me distraire. De toi je peux pas me lasser, pour toi j'écrirai des disserts. Quand tous mes rêves se disquennent, que mes parents se disputent. Quand le mal et le bien se distinguent, quand la vie ne se dit qu'une pute. T'es la seule à être présente quand personne ne discute plus. Avec toi j'ai besoin d'une feuille, d'un flow et puis d'une plume. C'est toi ma musique qui fait que j'ai des cernes sous les yeux. Je me couche tard pour toi, mais pour moi t'es comme une étoile qui traîne sous les cieux. Sur les cieux se trouve mon grand-père, donc tu vas rencontrer. Ne lui sers pas un pastis, vu que c'est ce bâtard qui l'a emporté. Ma musique, permets-moi de te dire que t'es la seule et l'unique. Dans ce monde de fou, je te promets qu'on sera jamais désunis. I'd rather be with you, yeah. T'es ma musique, zik de toi, je veux pas me séparer. I'd rather be with you, yeah. T'es ma musique, ma musique, ma musique. I'd rather be with you, yeah. T'es ma musique, de toi, je veux pas me séparer. Je fais du rap pas pour les thunes mais pour me sentir mieux. C'est pour évacuer mes sentiments, nique sa mère les centimes. J'suis pas comme certains MC qui donnent leur cul pour que dalle. Ou comme ce maudit gouvernement qui veut te prendre tout ce que t'as. CR2N, j'insiste au mic, tu l'as compris. La seule musique qui s'est restée vraie entièrement sur sa compile. En scred le maxi, les gens faut que vous écoutez ça. Un putain, travail fourni par moi et puis tous mes straps. T'es ma musique, celle qui fait que je me lève le matin. Celle qui me pousse de l'avant pour tous mes buts soient atteints. Celle qui me calme quand j'ai la rage et ce toujours sous rythme. Même dans les pires moments, t'es celle qui me redonne le sourire. Même si j'ai pas de studio, ma musique reste musicale. Je suis pas comme ces idiots qui savent que balancer des récitals. Les acolytes, j'ai un 6 gars, retiens bien mon crew. On fait juste de la musique en attendant que le monde coule. I'd rather be with you, yeah. T'es ma musique, zik de toi, je veux pas me séparer. I'd rather be with you, yeah. T'es ma musique, ma musique, ma musique. Ma musique de toi, je veux pas me séparer. Yeah, I'd rather be with you. Ma musique, ma musique. I'd rather be with you. Yeah. T'es ma musique, zik de toi, je veux pas me séparer. I'd rather be with you. Yeah. T'es ma musique, ma musique, ma musique. I'd rather be with you. Yeah. T'es ma musique de toi, je veux pas me séparer. Yeah, I'd rather be with you. Ma musique, ma musique.